tu vas. S'il te plaît, fais-moi savoir. Je voudrais bientôt rejoindre. Je voudrais venir là-bas. On peut aller se promener. Passer une très belle soirée. Regarder toutes les lumières. Ton père est accompagné. Bonjour. S'il te plaît, fais-moi savoir. Je voudrais bientôt rejoindre. Je voudrais venir là-bas. On peut aller se promener. Passer une très belle soirée. Regarder toutes les lumières. Ton père.